de ce qu'est effectivement la pensée libertaire, la mise en œuvre de ce à quoi nous sommes attachés. Et je ne vais pas faire beaucoup plus long, je vais lui laisser la parole et on va essayer de faire que cette réunion soit la plus interactive possible et la plus vivante possible. Lucio, à toi. Bon. Bah oui. Alors après, on peut le faire soit sous forme de questions-réponses, soit... Oui. Bon, alors je ne sais pas comment commencer. Bon, déjà, comme vous pouvez voir, même ma façon de m'asseoir est différente d'un enseignant ou d'un intellectuel. Mais je crois que c'est ça justement qui m'a donné qui me donne la facilité d'être. Et pour exemple, dans le quartier où je suis, à la rue des Cascades, dans le 20e, il y a les mômes de toutes les nationalités qui me respectent beaucoup. Les copains qui étaient là-bas il y a une semaine ou il y a 10 jours, ils sont plus le voir. Mais c'est des gens qui sont tous marginaux. Marginaux parce que c'est eux qui sont coupés. C'est eux qui sont coupés, ils n'en veulent pas entendre parler de notre civilisation, on peut dire. Bon, moi ils me respectent. Pourquoi ils me respectent? Est-ce que c'est parce que ils savent même ma façon de marcher, ma façon d'être et de m'asseoir? Ils savent que je suis un travailleur. Mais quand ils m'entendent parler, je crois qu'ils pensent à leurs parents qui sont été que des exploités, des esclaves. Et là, bon, je peux me permettre d'être leur ami et eux, ils sont mes amis. Bon, je veux dire. La pauvreté, quand je leur dis la pauvreté, bon, pour moi, la pauvreté, ça a été ma vie. La chance que j'ai eue dans ma vie, ça a été d'être né très, très pauvre. Très, très pauvre parce que, par ma situation sociale, je n'ai pas eu d'effort à faire pour perdre le respect à tout ce qu'il y avait d'établi, à la propriété privée, à l'État et à la religion. Et je voudrais que les gens, justement, et comme je leur dis, mais c'est très difficile avec eux, parce que bon, il n'y a pas, moi il m'a manqué beaucoup la culture, l'éducation il m'a manqué, il me manque toujours. Ce que j'ai appris, je l'ai appris bon, au contact, parce que ma vie, comme je disais tout à l'heure, ma vie elle ne m'appartient pas, ma vie elle appartient à beaucoup de milliers d'anarchistes qui m'ont consacré leur temps, et par mon tempérament, ça a été. Alors, mais la pauvreté, comme je leur dis à ces mômes du quartier, je leur dis, la pauvreté, ça peut être qu'un stimule. Ça peut être un stimule, et surtout dans des pays comme la France, où on a, sauf quand on est vieux et malade, mais sans ça, on a tout. On a tout pour s'épanouir. Mon épanouissement, comme je vous dis, enfin, j'ai eu la chance d'être né dans des conditions très, très défavorables. Pour exemple, j'étais gosse et j'allais chercher du pain et on ne me donnait pas du pain parce que ma mère n'avait pas payé. Alors, et la boulangère, elle me le disait devant tout le monde, elle disait, mais ta mère ne m'a pas payé. Moi, j'ai rentré à la maison en pleurant parce que c'était, non seulement j'avais pas du pain, mais la honte. Mais la chose qui m'a marqué le plus, c'était pour aller des espadrilles, c'était la même chose. Mais c'est que j'avais un père. Et là, l'autre jour, je suis allé voir le médecin. Et toutes ces choses-là qu'on a en France, il faut les défendre. Il faut sortir dans les rues. La sécurité sociale, il faut la défendre en France. Sans ça, vous que vous êtes jeunes tous, dans 30 ans, il n'y aura plus de sécurité sociale. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. C'est la chose qui m'a marqué le plus dans ma vie. C'était mon père. Mon père, il avait le cancer et il souffrait beaucoup. Il avait tellement de douleurs qu'il me disait, mon fils, même pas mes ennemis, il voulait dire, même pas aux fascistes, je leur souhaite ça. Si tu as des couilles, il me disait, tue ton père si tu l'aimes. Et c'était horrible, horrible, c'est la chose qui m'a marqué le plus dans ma vie, à tel point que, par sa souffrance, un jour, elle m'a dit qu'il fallait un peu d'argent pour la morphine, parce qu'aujourd'hui, en France, on a toutes ces choses de sécurité sociale. Quand j'y vais, par exemple, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand j'y vais voir le médecin, il me donne tout ce qu'il me donne, j'ai dit, putain, et mon pauvre père qui n'a pas pu avoir ça et qu'il est mort. Alors mon père, il m'a demandé de chercher un peu d'argent chez un oncle. L'oncle, il ne m'a pas donné l'argent. Mais je savais où il y avait, j'avais 16 ans ou 15 ans, je savais où il y avait une petite banque. Et à travers la vitre, j'avais vu les piles d'argent. Et j'ai pris un couteau à cran d'arrêt et suis allé, vous vous rendez compte, suis allé pour tuer la banquière et pour prendre l'argent pour que mon père aille de la morphine. Et quand je vois, par exemple, j'aurais fait ça, deux tentatives j'ai échoué. Quand on est dans des conditions pareilles, je pense, par exemple, ces kamikazes, ces mômes, dans quel état il doit y être des kamikazes qui mettent une ceinture de bombes et se font exploser. Dans quel état il doit être tous ces sortes de mômes. Eh bien, moi, c'était une espèce de kamikaze. Dans ce domaine, parce que j'aurais fait ça, j'aurais tué la banquière, et 24 heures, enfin, 2 heures après, j'aurais été arrêté, c'était la ruine complètement. Je suis né dans des conditions pareilles, très, très, très difficiles, mais comme j'ai dit, très, très favorables à mon épanouissement. J'ai voulu m'en aller d'Espagne, et je suis rentré dans le Marquès de Comillas, en transatlantique, à Bilbao, ils m'ont sorti. Et la première fois que je suis allé de Bilbao à Saint-Sébastien, j'ai passé la frontière et à 16 ou 17 ans, la gendarmerie m'a retourné pour être enfermé à Vera de Bidasoa. J'ai passé plusieurs semaines là-bas à Vera de Bidasoa, alors que j'étais en gosse, et ensuite à Pampelune. À Pampelune, déjà, j'ai commencé à manger, mais c'était la mauvaise réputation. J'ai essayé d'aller au service militaire. Mais c'était comme j'ai travaillé beaucoup à la contrebande, à la frontière, à Saint-Saint-de-Pied-de-Port, à Roncevaux et tout ça. Je connaissais pour nous, enfin, aller passer, venir en France à cette époque, c'était un privilège déjà, parce que la France, elle avait 50 ans d'avance par rapport à l'Espagne. À tel point, enfin, j'étais à la frontière, j'ai pas pensé à porter un bouquin où on voit la maison de mon frère, la Petite Rivière, et de l'autre côté la gendarmerie, enfin, il n'y avait que la garde civile d'un côté, et de l'autre côté, bon, la rivière, c'est ce qui faisait la séparation des... Alors, quand on traversait la frontière, on voyait les richesses en France, et surtout une chose qui m'avait choqué beaucoup, la contrebande à cette époque, c'était le café, les tissus, le tabac de France en Espagne, les pièces d'automobile, toutes ces choses-là. Et d'Espagne, surtout, ce qu'on traversait, c'était l'alcool, toujours l'alcool. Alors, la richesse à cette époque, et la tentation qu'on avait de venir, comme je vous disais, 50 ans d'avance avec la France par rapport à l'Espagne, et les bicyclettes, par exemple, c'était partout. On prenait les bicyclettes et on allait dans les villages pour s'amuser. Et on venait, on laissait les bicyclettes, elles n'étaient même pas attachées. Alors dans ces domaines, on n'a pas avancé non plus, on a reculé. Une autre chose, dans le domaine, cet après-midi, quelqu'un est venu me voir. Et c'est ce que je disais, dans certains domaines, on a avancé, mais dans d'autres, on n'a pas avancé du tout. Par exemple, il y a un siècle, on avait prévu les coopératives. Les coopératives aujourd'hui, il y a que celle de Mondragon qui marche très très bien. C'est la seule au monde, on peut dire. Mais c'est une coopérative qui est gérée par les jésuites. Bon, on avait prévu l'autogestion, c'était l'anarcho-syndicalisme, c'était la responsabilité des individus. L'anarcho-syndicalisme et la CGT à l'époque, article 1er de la CGT, l'abolition du salariat, c'était toutes ces choses-là, on n'a pas progressé, mais on n'a pas progressé parce qu'on s'est endormi, tout le monde. Et on va, moi je vous le dis, vous êtes jeune, tout le monde, il faut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire cadeau, c'est cette histoire de sécurité sociale. Cette histoire de sécurité sociale, c'est la pauvreté la plus totale si on abandonne la sécurité sociale. En plus, la France, au lieu de dépenser l'argent dans des conneries, qui le dépense dans les écoles et dans des choses qui sont utiles. Alors, donc, je suis allé au service militaire et j'étais désespéré par la mauvaise réputation, la pauvreté, toute la misère qu'on avait. Et au service militaire, j'ai eu la chance de tomber parce que quelqu'un, enfin un officier, il a été compréhensible, il m'a mis dans le restaurant. je me suis fait la, très très ami avec le, les gens du magasin et on a dévalisé le magasin des horloges, de tout ce qu'il y avait de précieux là-bas. Mais on m'a donné un peu de permission et je savais qu'on me cherchait. Alors c'est là que j'ai passé la frontière. J'ai traversé la frontière, comme bon, j'étais là-bas à la contrebande, tout ça. Et je suis venu et comme tout le monde, j'ai travaillé au Black, sans déclarer. J'ai gagné ma vie, j'ai envoyé de l'argent à ma mère, c'était un plaisir, c'était extraordinaire. Tout en travaillant comme on peut... Moi, ça me fait penser, par exemple, les Maliens qui travaillent, comment ils font vivre parfois des villages entiers avec l'argent qui s'envoie de France là-bas au Mali, alors que nous, on jette tout, bon, enfin... Et alors, donc, je suis traversé la frontière, j'ai commencé à travailler au Black, et un bonjour, le maire de Marne-la-Coquette m'a fait un contrat. Et j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, et je suis tombé avec un groupe de Catalans anarchistes. Et quand ils m'ont demandé de quelle région tu es, alors j'ai dit, je suis de la Navarre. Il dit, ah bon, enfin basque, oui. Il dit, bon, on sait que les Basques sont très catholiques. On sait, surtout la région où je suis, sont très, très conservateurs. Et bon, et alors on m'a charrié un petit peu, puis résultat, on s'est fâché un peu. Pendant 2 mois, ils n'avaient pas confiance en moi. Alors, au bout de 2 mois, on m'a réclamé pour travailler avec eux. Et alors, du casse-croûte, parce que là, il n'y a pas de casse-croûte dans le bâtiment, mais à l'époque, on cassait la croûte vers 9h du matin. Alors, on m'a demandé, mais toi, quelles sont tes opinions? Alors, j'ai dit, je suis communiste. Parce qu'à l'époque, Franco, il parlait que du communisme. Alors, ils ont rigolé, puis ils ont dit, qu'est-ce que tu veux être communiste? Tu es anarchiste, bon. Ils m'ont expliqué les expériences de la CNT, les expériences de Durruti, les expériences de l'histoire espagnole, l'histoire, comme je disais, c'est les socialistes, c'est les anarchistes, mais particulièrement les anarchistes. S'il n'y aurait pas eu sans le mouvement anarchiste, Franco n'avait pas besoin de sortir dans la rue, mais il y avait presque 2 millions d'anarchistes, ils voulaient transformer la société, à tel point que c'est eux qui sont désarmés, qu'ils soient à Barcelone, qu'ils soient à Madrid, qu'ils soient partout, c'est eux qui sont désarmés, l'armée. Brûler des églises, effectivement, parce que, par exemple, en Catalogne, l'église, elle a été toujours du côté des riches. Et chez nous, alors donc, il y avait des curés tués, ça, il ne faut pas le nier. Mais chez nous, par exemple, dans le Pays Basque, l'église, elle était plus réactionnaire encore. Et nous, on était minoritaires dans le Pays Basque, très, très conservateurs. Et l'église, enfin, je voyais, j'ai vu, il était tout gauche, et je m'en souviens, les curés, comment ils s'étaient habillés en militaire avec leur revolver. C'était horrible. L'église, elle a été aussi criminelle que les fascistes et que les carlistes chez nous. Et donc, ils m'expliquaient tous ces phénomènes de la CNT, des anarcho-syndicalistes, comment ils sont ouverts, c'est ce que je vous disais. Bon, par exemple, les anars, ils ont téléphoné au premier ministre, à Largo Caballero, ils ont dit, bon, on vous donne 3 heures pour ouvrir les prisons. Si vous n'ouvrez pas les prisons dans les 3 heures, on les ouvre nous-mêmes. Alors, et 3 heures après, les prisons, elles s'étaient ouvertes. Tout le monde était dans la rue. Et ça, c'est unique. L'économie espagnole, elle s'est mise en Catalogne, en Valence, enfin, en Andalousie, partout. Les anarchistes, ils l'ont mis en fonctionnement, chose que ni à Cuba ni en Russie, ils l'ont fait fonctionner. Là, les anarchistes, c'est pour dire la préparation qu'ils avaient ces gens-là. La préparation et le corps. J'ai eu la chance de connaître beaucoup d'anarchistes, des vieux anarchistes, et c'est vraiment que c'était du cœur. C'était du cœur, c'était un idéal. Vous imaginez ce que sont ces hommes-là qui sont... Parce que la France, le Front Populaire, elle a trahi ces gens-là. La France Populaire en France a été dégueulasse avec la Révolution Espagnole, avec la République Espagnole. Qu'ils soient socialistes et qu'ils soient communistes, ils sont dégueulasses et on les a ici. On les a ici, ça ne passe pas, le comportement. Quand par exemple, Léon Blum, dans les camps, il pleurait, il disait « je me suis mal comporté », mais c'était trop tard. Il leur disait aux Espagnols « je me suis comporté très mal ». Dans les conditions qui sont reçues, les presque 600 000 Espagnols dans les camps d'extermination, à tel point qu'un type comme Ibarnigarey, dans le camp de Gurs, du côté de Pau, là, il ne voulait même pas, c'est Ibarnigarey, il ne voulait pas que les Basques soient, les républicains basques soient mélangés avec les autres, parce que, bon, pour lui, en tant que Basque, on ne pouvait pas mélanger les Basques républicains avec les Catalans et tout ça, parce que, bon. Et il disait, Ibarnigarey, il disait, ça coûte très très cher les républicains espagnols. Il faudrait les mettre dans des bateaux et les amener dans les îles. Mais si le bateau n'arrive pas, tant mieux. C'était Ibarnigarey, enfin. Ça, là, je vous dis, la France, elle n'est pas pardonnable dans cette époque. Mais le plus extraordinaire, c'est que quand on voit, par exemple, les Américains aujourd'hui, en ce qui concerne les Mexicains ou les Colombiens, qu'on leur propose, vous voulez des papiers, mais il faut que vous alliez en Irak ou ailleurs. Eh bien, c'est ce qu'elle faisait la France avec les républicains espagnols. C'est ce qu'elle a fait. Vous voulez sortir, oui, mais vous allez vous engager dans la Légion étrangère. Et c'est comme ça, la Légion étrangère, c'est le général Leclerc qui a créé la deuxième DB, la deuxième division blindée. Hein? Oui. Alors c'est le général Leclerc qui a, avec des républicains, bon, parce que il faut. Moi je vous dis tout ce que j'ai dit, j'aime ces pays. Et si je le critique, comme j'ai dit, par exemple, la région où je suis, c'est une région très conservatrice, c'est très à droite, c'est très fasciste, mais je l'aime. Eh bien, la France, je l'aime, c'est mon pays. Mais je veux qu'il soit beaucoup mieux encore. Et en plus, enfin, il n'y a pas de raison qu'on fasse des cadeaux à tous ces salopards qui sont trahis et qui sont vendus la France. Parce qu'ils l'ont vendu à l'époque, tous les politicards. Et alors donc, je suis atterri avec tous ces amis anarchistes. Et j'ai commencé, alors, ils ont commencé à m'apporter des journaux. La Soli et la CNT. Oui, alors je leur ai dit, mais je voudrais apprendre le français, je voudrais apprendre un métier. Alors ils m'ont dit, tu peux aller 24 rue de Santa Marta, mais je ne suis pas anarchiste, je leur disais, mais ça ne fait rien, tu vas là-bas. Je suis allé là-bas, et à cette époque, la CNT, on s'est mélangés tous. Tous les métiers étaient mélangés, mais surtout, il y avait une chose qui m'a donné mon courage, c'est que j'ai connu tous ces sorts, par exemple André Breton, Albert Camus, tous ces sorts, Daniel Guérin, tous ces sorts d'intellectuels, pour moi, on finissait tous les vendredis, comme aujourd'hui, on faisait des conférences. On faisait des conférences et on finissait au dernier métro à Belleville. Et pour moi, c'était miraculeux connaître ces gens-là, un type comme Albert Camus. Enfin, c'est extraordinaire. André Breton, Daniel Guérin, la mère de Michel del Castillo, tous ces sorts de monde. Oui, tous ces sorts de monde, pour moi, je n'avais jamais vu. J'étais, bon, et pour moi, c'était la lumière qui venait vers moi. Et un jour, un vendredi, bon, quelqu'un nommé qui vit encore, Germinal Garcia, qui travaillait dans Le Monde, il m'a dit, on sait que tu as un appartement, est-ce que tu pourrais héberger un copain? J'ai dit, oui, si c'est un révolutionnaire, si ce n'est pas un révolutionnaire touriste. Alors il m'a dit, non, c'est quelqu'un qui mérite. Et alors, donc, rendez-vous le lendemain à Saint-Germain-des-Prés. On s'est donné rendez-vous, et j'ai connu, enfin, il y avait Germinal, son frère Floréal, et deux autres. Et on est allé dans le 16e, on a pris un taxi, on est allé les 5, on est allé dans le 16e arrondissement pour manger. Robar, sempre robar. qualche milioncino, ti senti nominar commendatore. Et alors, donc, rendez-vous le lendemain à Saint-Germain-des-Prés. On s'est donné rendez-vous et j'ai connu, enfin, il y avait Germinal, son frère Floréal et deux autres. Et on est allé dans le 16e, on a pris un taxi, on est allé les cinq, on est allé dans le 16e arrondissement pour manger. Et les trois, ils sont montés par l'escalier principal et moi, avec un autre que je ne savais pas qui était, par l'escalier de service. Et en montant dans le noir de l'escalier, j'ai entendu une espèce de cling qui s'ouvrait, enfin quelque chose. Et je me suis retourné et le type, il avait un couteau avec cran d'arrêt. Et alors il me dit en catalan, non, ne te fie jamais de personne. Mais moi, je ne comprenais rien, tu vois. Bon, je vais là-bas pour aider quelqu'un, puis bon, je ne savais pas qui était. Alors on a mangé et on est allé chez moi. Ensuite, à 16h, on est allé chez moi à Clichy, et le gars, il est monté avec moi, et je lui ai dit, voilà, je m'en vais tous les matins travailler, alors je te laisserai la clé sous la porte. Alors, ils sont partis, mais toujours sans savoir qui était. Et le mercredi, quand je suis retourné de mon travail, je suis allé chercher la clé sous le bâti, il n'y en avait pas. J'ai frappé à la porte, et il y avait quelqu'un à l'intérieur. Alors il était en train de préparer à manger, bon. Et on a commencé à parler, et je lui ai dit, mais toi tu es qui? Et alors d'un seul coup il me dit, mais je suis Kiko Sabater. Alors Kiko Sabater, ça représentait pour nous, bon, il n'y a pas l'équivalent, c'était l'armée, toute l'armée espagnole, c'était tout le monde qui le cherchait. Alors j'avais honte de moi, j'étais un petit employé, un petit manœuvre dans le bâtiment. Et lui me dit, mais ne t'en fais pas, il dit, mais moi je suis plombier. Mais j'étais honteux parce que pour moi c'était un dieu. C'est-à-dire entre les intellectuels d'un côté, et cette espèce de lumière, quand on parle du siècle de lumière que je vous parlais tout à l'heure, eh bien pour moi ça a été le siècle de lumière. Connaître Albert Camus, connaître tous ces intellectuels, et ensuite je tombe avec Kiko Sabater. Alors bon, on est devenus des amis, il est resté pas mal de temps, et un jour il m'a dit, bon, demain, tu vas venir m'accompagner au Royal Monceau. Alors, on est allé au Royal Monceau. Je n'avais jamais vu les garçons et les serveurs avec leur galon et leur histoire, quoi. Bon, et comme je vous dis, je ne savais même pas me laver les mains. À l'époque, tout ce que je suis, je le dois à tous ces hommes-là. Je le dois à la France, je le dois à la compréhension de beaucoup de gens. Alors, on était là-bas, à l'entrée. Et d'un seul coup, on a entendu quelqu'un qui appelait Francisco, Francisco. Et c'était Henri Torres. Henri Torres, c'était le grand avocat. Ah, et qui a défendu Ascaso et Durruti, et qui est devenu ministre de Gaulle. Alors, on s'est assis là-bas, on a mangé. Ils sont convenus qu'il ferait, s'il se présentait, Kiko, il se présenterait. Et il ferait 6 mois de rétention, d'emprisonnement, mais il n'y aurait pas d'extradition. Alors, bon, mais il se fichait de moi parce qu'il voyait comment j'étais paumé dans ce grand restaurant, dans ce grand hôtel. J'étais paumé. Alors, ça s'est convenu et c'est arrivé le jour qu'il devait se présenter Kiko. Alors, il m'a présenté une femme, Joaquina Dorado, et qui la connaissait. Et il dit, bon, voilà, il m'a donné sa mitraillette, son 11-43 et son couteau. Et il dit, bon, s'il y a d'extradition, alors regardez, moi je ne savais pas m'en servir, j'étais sans aucune. Il dit, toi, vous deux, enfin, vous viendrez me libérer dans la frontière s'il y a d'extradition. Bon. Et nous, moi j'ai marché, on n'a pas, c'est pas quand on est dans l'engrenage de mille choses, je ne sais pas pourquoi, parce que, bon. Alors, mais il était question que la Joaquina et moi, on allait le libérer s'il y avait d'extradition. Alors qu'on ne savait pas, on était elle et moi. Et bon, il est rentré en prison, il m'a laissé les armes et j'ai commencé à faire des expropriations. J'ai travaillé dans le bidonville de Nanterre à cette époque et comme j'ai travaillé, j'étais toujours très indépendant, j'ai travaillé aux pièces. Alors je me suis démerdé pour faire plusieurs expropriations à l'époque. Pourquoi expropriation? Parce que les anarchistes, on n'avait pas d'autre alternative et si on voulait avoir de l'argent, c'est d'aller dans les banques. On n'avait pas d'autre issue. Et bon, le pourquoi, un type comme moi qui ne savait rien, un ignorante, Moi, je dis que parfois, bon, la naïveté, l'ignorance, elle est nécessaire pour faire des choses. Je ne sais pas, je me pose la question, parce que ce que j'ai fait dans ma vie, ça dépasse toute cette espèce de fiction. Bon, ça dépasse, parce que je ne savais, comme je vous dis, je ne savais rien. Je ne savais pas ni me laver, je ne savais pas, je ne connaissais pas le français, je ne connaissais pas Paris, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai participé, enfin, j'ai fait plusieurs expropriations. Et ils sont sortis bien. En plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, qui sort bien toutes ces choses-là. Quand Kiko Sabater est sorti de Tôle, il est venu, bon, puis c'est pour ça que le capitaine Barril et tous ces gens-là, aujourd'hui, quand ils écrivent sur moi, ils disent que j'étais l'héritier de Serrada. Oui, alors donc... bon, comme j'avais beaucoup d'argent, quand Kiko Sabater est arrivé, j'ai sorti, sans aucune malice, dans le sud du matelas, j'ai sorti une sacoche pleine d'argent de l'époque. Et j'ai dit, c'est pour nous. Et j'ai commencé à aller à Barcelone. Je suis allé pour voir les familles, pour voir des avocats, comme il me disait Kiko, parce que bon, je ne connaissais pas. Et moi, toujours, ça a été, les Basses-Pyrénées, ça a été le Pays Basque pour traverser la frontière. Alors que Kiko Sabater, c'était la Catalogne. Lui, il était catalan. Et à chaque fois que je lui disais, mais Kiko, enfin bon, plus tard, mais pourquoi, tu vois, bon, si on passe par Saint-Jean-de-Pied-de-Port, Arnegui, là, tu vois, en 24 heures, on est à Barcelone, tu n'as aucun risque. Alors que lui, on imprimait, par exemple, le combat syndicaliste, on l'imprimait ici, on imprimait la Soli ou la Santé, il fallait la passer à dos d'ici en Espagne. Kiko, c'était le type en plus qui avait fabriqué une espèce de mortier et il le remplissait de publicité et l'Ascor, le terrain de l'Ascor de Barcelone, de football, il inondait de publicité. Enfin, c'était une période où il y en avait beaucoup, beaucoup d'anarchistes encore à Barcelone. Alors, donc, j'ai continué à faire plusieurs voyages en Espagne, tout en travaillant toujours, parce que c'est ce qui m'a sauvé. Moi, j'ai dit, la chance que j'ai eue, ça a été toujours de travailler. Et quand, pendant la participation des expropriations, quand j'ai travaillé au bidonville de Nanterre, je ne sais pas si vous avez entendu parler du bidonville de Nanterre, c'était quelque chose d'horrible là-bas. Et bon, Serrada est venu parce qu'il sortait de prison. Son fils, Floréal, était mon ami. Et il m'a présenté son père qui avait besoin d'argent. Comme j'avais beaucoup d'argent, pour finir une fabrication de pesettes. Alors, je lui ai donné l'argent qu'il fallait. C'est pour ça que Barril et tous, ils disent que c'est moi l'héritier. Je n'ai pas héritier de qui que ce soit. Bon, je suis allé, effectivement, par exemple, avec le Magnoloco, je suis allé parce qu'ils s'étaient des guides pendant des années. Ils ont été des guides dans les Pyrénées et ils avaient beaucoup d'objets de valeur d'Espagne, beaucoup d'objets de valeur d'ici, de mille choses. Et moi, je les ai négociés, effectivement, avec des amis, des amitiés que eux, ils m'avaient fournis. Parce que, bon, moi, Et voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai continué comme ça. Ensuite, à la mort de Kiko Sabater, elle est horrible. À sa mort, j'étais très, très, très affaibli. Et on a, bon, par intermédiaire, il m'avait présenté un imprimeur à la rue Jean-Jacques Rousseau. Cet imprimeur, Piquer, il avait été arrêté en Espagne, il avait été torturé, on lui avait arraché les ongles. C'était horrible ce qu'ils ont fait avec cet homme. Alors, moi, j'ai travaillé, le matin, j'ai travaillé comme maçon, et le soir, j'ai travaillé pour apprendre l'imprimerie, l'offset, enfin, les plaques, ce que je pouvais, parce que bon. Et un jour, des amis qui existent et qui vivent tous encore, on m'a demandé de leur fournir une porte blindée pour blinder, parce que l'extrême droite avait essayé de le brûler le local. Il s'appelait Edith 71. Alors, dans le chantier où j'étais, j'ai pris la porte, une porte en fer qui pesait une tonne, et je l'aurais posée. Et je ne connaissais pas très bien encore l'imprimerie, mais la première des choses que je leur ai dit, mais pourquoi vous ne fabriquez pas les documents d'identité? Puisqu'à cette époque, les documents d'identité, nous, on les volait. On les volait, on s'en servait. Il y avait, par exemple, l'hôpital Hérol et l'hôpital dans le 20e arrondissement. On avait des amis et on nous fournissait les papiers d'identité des morts quand ils décédaient et on s'en servait. C'est des miracles, ce qu'on faisait. Bon, c'est pour ça que je crois que la société, on peut la changer, mais à condition de se donner un minimum. Alors, résultat, ces amis, j'ai dit, bon, vous allez nous fabriquer. Je croyais que c'était simplement mettre les papiers, faire les plaques et pour les documents d'identité. Alors, ils m'ont dit, non, il faut une séparation des couleurs, il faut une photogravure. Et j'ai dit, qui c'est qui est? Alors, ils m'ont dit, il y a Denès. Denès, le médecin qui vit toujours là-bas dans le 20e arrondissement, c'est un militant anarchiste toujours. Il dit, lui, là, un copain qui a un atelier de photogravure. Alors, tu lui demandes l'adresse. Alors, je suis allé le voir, il m'a donné l'adresse de Pierre Depien. Pierre Depien, je suis allé à là-bas du côté de la Tour Eiffel, à la rue de la Tour, oui, pardon. Et je suis allé. Et je suis allé au bureau et les secrétaires m'ont dit « Non, il n'est pas là, il est au restaurant. » J'ai dit « Comment il est habillé ?» Alors ils m'ont dit « Il est habillé en blanc. » Et en descendant les escaliers, je l'ai rencontré. Il montait avec une fille. J'ai dit « Vous êtes... » Oui, alors j'ai dit « Je viens de la part de Denès. On voudrait que... enfin, je voudrais vous voir. Je voudrais vous voir et vous parler. » Il dit « Mais où ? Ici, dans mon bureau ou au restaurant ?» Alors j'ai dit « Au restaurant. » On est allé... Et je lui ai dit, bon, on a besoin de faire beaucoup de choses en Espagne, mais il nous en faut la séparation des couleurs, il nous en faut une photogravure, et nous, on a, ça, c'est un métier qu'on ne maîtrise pas. Ils me disent, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Alors j'ai dit, des brochures et des affiches et tout ça, mais en couleur, tout ça, il nous en faut une bonne séparation. Alors il dit, bon, je suis à ta disposition. Alors, bon, on a donné rendez-vous, j'ai dit, quand je viens, il dit, bon, quand tu veux, alors j'ai dit, demain. Alors, je suis allé le lendemain, et il m'a reçu, il dit, on parle ici, ou tu veux qu'on rentre dans le bureau? Il dit, on va dans le bureau. Et quand on était assis dans le bureau, alors je lui ai sorti, la première des choses que je lui ai sorti, c'est le document d'identité espagnol, le passeport et le permis de conduire. Il m'a dit, c'est pas ça les affiches que tu m'avais dit, c'est pas les bouquins. J'ai dit, écoute, je t'avais dit que ça c'était interdit en Espagne et que ça peut éviter des milliers et des milliers d'années de prison à beaucoup de monde. Alors je l'ai convaincu parce qu'en plus j'ai tremblé. Aujourd'hui je parle comme ça, mais à l'époque, alors lui-même il m'a dit, la première fois que je l'avais vu, il m'a dit, mais ne tremble pas. Il dit, mais moi aussi, je suis anarchiste. Je n'aurais jamais imaginé qu'un quelqu'un qui avait une entreprise pouvait être anarchiste. Bon, alors, il m'a dit, bon, alors, tu viens samedi, tu viens à 2h du matin et je te donnerai tout. Je suis retourné le samedi et dans son enveloppe, il m'avait mis tous les films, toutes les séparations, puisque, par exemple, le passeport espagnol, il avait cette couleur, plus la couverture, plus enfin, un boulot monstre. La carte d'identité, c'était pareil. Bon, le permis, c'était... Alors, quand il m'a donné tout ça, il dit, avec ça, vous pouvez faire tout. Alors, je me suis mis à pleurer parce que je suis très sensible. Un type qui ne me connaissait pas, il risquait sa vie, 20 ans de prison. Enfin, c'est extraordinaire quand même. Et on a commencé, quand on a eu ces papiers-là, on pouvait s'en servir pour louer des voitures, pour louer des appartements, pour ouvrir des comptes, pour tout ça. Mais on a appris aussi qu'on pouvait se faire payer quantité de choses en Espagne. Et bon, et on est arrivé à la détermination de faire tout ce qu'on voulait, dans le domaine des pays, dans le domaine des gouvernements espagnols, dans le domaine des provinces, mais en France aussi, dans le domaine de certaines administrations. Mais en plus, les conseils payés, toutes ces choses-là, on les faisait. Et... Bon, on a voulu aller beaucoup plus loin. Ça nous permettait, en plus, ça permettait à tout le monde de vivre. On vivait, mais en même temps, de voyager, de donner les papiers à tous les Sud-Américains et à tout le monde qui avait besoin. Et on a décidé de passer beaucoup plus haut. On a dit, bon, pourquoi on ne ferait pas le dollar? Mais le dollar... C'est la monnaie de la plus facile qu'il y avait. Enfin, c'est pareil. Un dollar, c'est pareil que 100 dollars. C'est pour dire le billet. C'est... Oui. Alors, donc, on a décidé de faire le dollar. mais par intermédiaire d'Antoine Comte que j'ai vu hier, Fanti Rifagar et Roland Dumas et tous, ils nous ont dit non, ne faites pas ça, parce que si vous vous faites avoir, vous avez 20 ans de prison. Alors il faut faire. Alors on a décidé d'abandonner le dollar, alors qu'on avait tous les films, on avait tout. Et c'était facile. On a abandonné et on a décidé de faire. Enfin, on faisait. Il y avait des traveler chèques en Europe, en Italie ou en Espagne, que pour nous c'était comme faire des entrées de football, quoi. C'était facile. Et on a décidé de faire le traveler chèque de la Fort National Citibank. Bon, nous on avait quand j'y vais, par exemple, maintenant quand j'y vais dans les facultés ou quand j'y vais dans les lycées, les gens ils aiment ça. Parce que j'ai dit, c'est un plaisir de voler les banques. C'est un honneur, c'est vraiment, il n'y a pas plus voleur que les banques. Et il faut le dire, enfin, et les mômes, tout le monde comprend que c'est une réalité, c'est une réalité. Et je pense que, bon, j'avais proposé à une époque, j'avais proposé par intermédiaire de l'ambassadrice de Cuba, la Rosa, j'avais proposé de ruiner les États-Unis. Je disais que nous, si, tout en étant amateur, on faisait des choses extraordinaires. Alors, un État qui a un matériel d'un domaine sophistiqué, qui peut, à l'origine déjà, fabriquer le papier, fabriquer tout, alors donc il peut être. Mais c'est là qu'intervient le chef, c'est la Rosa qui me présente le chef, mais le chef déjà, il était pourri. Ça n'a pas marché. Et bon, écoutez, je ne veux pas vous entretenir plus bon, enfin, c'est ce qui nous a ouvert les portes à beaucoup de choses. Ensuite, j'ai eu beaucoup de... Bon, je vais vous expliquer la négociation. Alors, un jour, c'est parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on parle d'anarchie et de ce qu'il faut faire. Mais on peut... Moi, je crois qu'on peut changer. Je crois qu'on peut changer quantité de choses. Mais il faut qu'on se donne un peu. Il faut qu'on arrive à trouver, dans le militantisme, il faut qu'on trouve du plaisir. C'est un plaisir, et surtout si on passe à l'action, de faire des choses, c'est vraiment extraordinaire. Alors, donc, c'est arrivé à un stade, l'histoire de la fabrication de ces dollars-là, parce que c'était la banque la plus importante du monde, la Fort National Citibank. Les autres, les Espagnols, Italiens, bon, et tout ça, pour nous, c'était, je vous dis, comme une entrée de football. On gagnait, on... Ils sont arrivés un jour par intermédiaire des Catalans. Ils m'ont proposé de négocier. On avait 150 kilos de dollars et ils m'ont proposé de les négocier à 30%. Alors on a dit d'accord, c'est pas la peine de, parce qu'on était 30 équipes, 30 équipes à 2 personnes, 60 personnes. Des Basques, des Delancans et des Anars. Des Delancans, qu'on connaisse dans les prisons, oui. Alors, on a décidé, ils sont venus me proposer ça, alors j'ai dit, bien sûr, c'est pas la peine de risquer, alors qu'on peut le faire à 30%, c'est beau. Et, bon, premier rendez-vous, on est allé au Grand Hôtel, à l'Opéra. Et là, il y a un Américain qui est venu, et pendant 15 jours, c'est-à-dire, le premier rendez-vous, c'était à l'hôtel Hilton. À l'hôtel Hilton, on est allé et j'ai vu le type s'est adressé au copain. Et j'ai dit, non, le patron, c'est moi. Alors, il m'a demandé les échantillons. Alors, j'ai vu que c'était les flics. Alors, je suis parti, je suis allé au cimetière, parce que bien souvent, dans les cimetières, c'est là où on planquait les choses. Et je suis allé, j'ai enterré les échantillons, j'ai accompagné le copain à l'aéroport et je l'ai engueulé, je lui ai dit c'est impossible parce qu'on avait fait d'autres récupérations en Espagne, à Madrid, à Barcelone, et ils ne savaient pas faire. Les amis de Barcelone, les Catalans et tout ça, ils ne savaient pas faire et je n'avais pas confiance. Bon. I'm a jolly banker, or the banker's lament, you can call it either one you want to. And let's see here how that goes. I'll try to sing you that. My name is Tom Cranker, and I'm a jolly banker. safeguard the farmers and widows and orphans, singing, I'm a jolly banker, am I? When dust storms are sailing and crops they are failing, I'm a jolly banker, am I? I check up your shortage and bring down your mortgage, singing, I'm a jolly banker, am I? When money you're needing and mouths you are feeding, I'm jolly banker, am I? I'll plaster your home with a furniture loan, singing, I'm a jolly banker, am I? Have credit. I'm a jolly banker, am I? Just bring me back two for the one I lend you, singing, I'm a jolly banker, am I? When your car you're losing and sadly you're cruising, I'm a jolly banker, am I? Get your car and your clothes, singing, I'm a jolly banker, am I? When the bugs get your cotton, times they are rotten, I'm a jolly banker, am I? I'll come down and help you, I'll rape you, I'll scalp you, singing, I'm a jolly banker, am I? Misuse you. I'm a jolly banker, am I? I'll send down the police to keep you from mischief, singing, I'm a jolly banker, am I? Woody, what was that other song about the banker that you talked about? You remember all yeah, that? That's called I Ain't Got No Home in the World Anymore, Alan. Listen, here's was one that I wrote in Los Angeles, California. This was originally, I guess you've heard the old hymn, you know, I Don't Feel at Home in the World Anymore. Yeah. This is that same tune, or just thereabouts. Ils m'ont convaincu. C'était le cuisinier de la prison de Ségovie qui était venu parce qu'on avait fait une récupération à Barcelone très importante et ce cuisinier de Ségovie avait récupéré lui tout seul 4 millions de pesettes et comme il n'avait pas besoin lui d'argent, il les a donné à la santé. Mais on avait récupéré des fortunes, on récupérait tout ce qu'on voulait. Bon, l'argent, je vous dirais, l'argent, ça servait à acheter des machines, par exemple. Il y a 10 imprimeries que j'ai créées dans le 20e arrondissement, que ça existe encore, la plupart, elles existent. Et il y avait des camions, il y avait des voitures, il y avait des appartements, il y avait des voyages, il y avait des avocats. Bon, l'argent, on n'en finit jamais avec l'argent. Alors, ses copains, c'est lui qui avait gagné, pourtant, il n'était pas anarchiste, lui. Il avait gagné mon amitié. Alors, c'est lui qui m'a convaincu, on est allé à l'hôtel Hilton, et j'ai vu que c'était une espèce de piège. Et je l'ai engueulé, il est parti à Barcelone, et il m'a téléphoné au bout de 2 jours, il dit « Non, c'est sûr, ça peut marcher, c'est sûr. C'est parce que tu as peur. » Effectivement, tu as peur, bien sûr que tu as peur. Et il m'a reconvaincu encore. Alors, résultat, il est remonté, et premier rendez-vous au Grand Hôtel, à l'Opéra. Et c'est un Américain. Alors cet Américain, il connaissait les idées libertaires, les idées de la Commune, la Révolution russe, Durruti, tout là, tout. Il connaissait beaucoup mieux que moi, le type. Alors pendant 15 jours, j'ai essayé de l'observer. Et je n'ai pas pu avoir la moindre chose, parce que j'ai fait mes pièges aussi. Par exemple, on allait au restaurant, je sortais, je voyais voir si on était suivi, si on n'était pas... Enfin, j'ai fait comme on fait, comme la police elle fait, comme nous on fait. Alors, résultat, on a décidé de passer à la première opération. la première opération, alors je suis allé à 30%. Hein. Alors je suis allé dans l'entrepôt que j'avais, que ni Anne, ma femme, ma compagne, ni ma fille, ni personne n'était au courant. Et je suis allé, j'ai rempli la mallette de faux dollars. Et je suis retourné dans le camion, je suis retourné à Clichy et j'ai vu deux voitures suspectes. Et j'ai tourné, je suis allé chez des amis, enfin pour simuler que j'allais faire des courses, mais c'était pour savoir si j'étais suivi. Et effectivement, j'étais suivi. Je suis monté, il y a ma femme qui était dans la douche, je lui ai dit, écoute, les flics sont là en bas, j'ai la mallette pleine de dollars, tu vas descendre et tu vas te mettre derrière le camion avec ta voiture. Et à la rue Villeneuve, tu vas caler le moteur. Et moi, je m'en irai. C'est-à-dire, la police, elle sera derrière, elle ne pourra pas passer. Alors, effectivement. Alors, on est allé à la rue Villeneuve, elle derrière moi, derrière le camion, et elle a calé, elle a fait. Bon. Alors, les flics, enfin, je suis parti, et les flics klaxonnaient, et je me suis échappé. Alors, je suis allé au Domago, boulevard Saint-Germain, et au Domago, enfin, on avait convenu avec l'Américaine. Lui serait au Bonaparte, au café Bonaparte, et moi je serais au Domago. Et entre le chemin de Bonaparte et de Domago, on échangerait la valise. Lui me donnerait les bons et moi je lui donnerais les faux, mais qui étaient aussi bons que les bons, que les autres. Alors, on a échangé, mais il y avait quelque chose qui échappait quand même de où ça venait, cette histoire-là, parce que bon, les flics, ils étaient là quand même. Ils n'ont pas pu me suivre et on a fait les changements parce qu'il n'y a pas eu d'autres alternatives. Les flics, je les avais semés quand même. Et pendant 15 jours, on s'est vus, puis on a décidé, bon, moi c'était ça, mais m'empêchait de dormir, mais je ne savais pas comment, en définitive, on avait réussi. Et on a décidé de faire une autre deuxième opération. Alors, comme la première s'était bien passée là-bas au Domago, là l'autre jour, ils sont venus les Basques, ils ont entendu m'enregistrer là-bas au Domago, alors les types. Bon. Et alors, on est rendez-vous au Domago. Et on était, moi et le copain, et d'un seul coup, on avait la mallette, notre mallette, plein de dollars. Et d'un seul coup, il y a une vingtaine de policiers avec les bracelets et les mitraillettes qui sont sortis. Ils nous ont arrêtés tout de suite. Le copain qui était avec moi, il a dit que lui avait volé la mallette. Bon, mais je suis allé au ministère de l'Intérieur et les grands flics m'ont félicité. Ils m'ont dit que c'était extraordinaire ce qu'on avait fait, mais que j'avais été dénoncé de Barcelone. Il y a eu quelqu'un qui m'a dénoncé de Barcelone. Alors donc, on m'a enfermé. Et au bout de 6 mois, comme je n'avais pas eu d'autres condamnations, au bout de 6 mois, il fallait fermer le dossier. S'il ne le fermait pas, si la juge ne fermait pas le dossier, il fallait me libérer. Effectivement, ils sont venus, Thierry Fagar, qui est l'avocat des Nations Unies à Haïti actuellement. Moi, je suis le parent de sa fille, parce qu'on est des grands amis, tout ça, on a créé des amitiés. Alors, il est venu à la santé me voir, ils disent, ils vont te faire aller au palais. Et la juge, elle veut fermer le dossier. S'il ferme le dossier, tu ne pourras pas sortir. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me coupe, je me blesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme ça, elle ne pourra pas m'entendre. Il dit, non, attends. Alors résultat, à 1 heure, ils sont venus me chercher. Et le rendez-vous avec la juge, c'était à 14h. À 2h moins 5, Dumas et tous les avocats sont montés. Alors Dumas s'est assis avec moi. Il me dit, la juge, Lucio, il dit, la juge, elle va te questionner. Et à la fin, elle te dira si tu as quelque chose à ajouter. Alors tu dis, j'annule la procédure. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, annuler la procédure. Bon, alors effectivement, alors à 2h, juste pile, la juge, ça a duré 4h, l'instruction. Et à la fin, il m'a demandé, monsieur Tubia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, madame le juge, j'annule la procédure. Alors c'est là qu'elle s'est retrouvée entourée de tous les avocats. Elle avait fait des conneries. Et à 19h, j'étais en liberté. C'était quand tu as des bons avocats. Mais il a fallu aller au tribunal. Alors, au tribunal, alors, le premier jugement, alors on me réclamait des fortunes. la partie civile, la Fort National City Bank, elle réclamait des fortunes. Bon, et par intermédiaire de Dumas, de tous les avocats, ça a été renvoyé le procès. Mais j'étais en liberté déjà. Et on est revenu au deuxième procès, la deuxième audience. Et là, alors je suis rentré dans la salle et il y avait deux types très très bien habillés, pas comme les copains qui on est comme ça, bon, eux ils étaient vraiment bien bien habillés. Et ils m'ont salué, salut Lucio et bon courage, mais je ne savais pas, je croyais que c'était des anards des Suédois, de la Jacques, comme on appelle ça, oui. Alors, je me suis assis, mais je ne savais pas. Alors, et les avocats se sont débrouillés aussi pour renvoyer encore le procès. Mais ils réclamaient des centaines de millions de dollars. Et ils sont renvoyés, puis on est descendu à la buvette. On est descendu à la buvette, et voir un coup, et il manquait Thierry Fagar, l'avocat. Et au bout d'une heure, il est descendu, il me dit, est-ce que tu as connu les gens qui t'ont salué? J'ai dit non. Il dit, c'est la Fort National City Bank, un des patrons de la Fort National City Bank, Escoltanjar. Et ils veulent négocier. Je dis, mais négocier, comment tu veux négocier? On nous réclame des centaines de millions de dollars, où c'est qu'ils sont? Il dit, non, il faut négocier. Alors bon, alors si tu dis qu'il faut négocier, il faut négocier. Et on est allé à la négociation. Alors il y avait tous les avocats de mon côté, mais il y avait l'avocat de la Fort National City Bank, M. Baudelot, qui est l'avocat du journal Le Monde. Son père était, bon, enfin, c'est des grands avocats. Et alors, la Fort National City Bank, elle a commencé en m'insultant, en disant que j'étais un criminel, que j'étais un gangster, que j'étais en train de ruiner une banque, une banque honnête. Et là, je me suis élevé, enfin, j'ai moitié espagnol, moitié français, j'ai dit, les seuls voleurs ici, c'est vous. C'est vous qui corrompez le monde entier avec les dollars. Et bien, moi, je suis même déserteur, parce que je suis incapable de prendre les armes pour tuer quelqu'un. C'est vous qui faites la guerre, enfin, dans l'Amérique et partout. Eh bien, faites ce que vous voulez. S'il y a une négociation, ça s'arrêtera là, je vous le dis, ça s'arrêtera là, mais s'il n'y a pas de négociation, ça continuera. Vous pouvez m'arrêter à nouveau, mais ça continuera. Alors, on est arrivé à un accord, donnant-donnant. Moi, j'ai donné tout l'entrepôt qu'on avait des dollars, les films et les plaques, et ils ont donné la somme qu'on leur a demandée. Ensuite, il y a eu le troisième procès, et le tribunal ne comprenait rien, parce que la partie civile a dit, bon, mais c'est... Non, non, il n'y avait pas eu tant de dégâts qu'on pensait. Et c'est comme ça, comme ça s'est arrêté l'histoire en ce qui concerne les dollars. Mais ça, c'était le côté pécuniaire pour gagner de l'argent. Mais toute ma vie, j'ai travaillé. Toute ma vie, j'ai travaillé et j'ai fait tout ce que je peux. Et j'ai continué à croire, que c'est pour ça que je crois dans l'autogestion. Par exemple, c'est ce que je leur disais quand on était à la santé tous. En principe, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir de l'argent, par exemple, comme on avait à l'époque les anards, parce qu'on allait dans les banques. On allait dans les banques, mais c'était facile. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Les mômes, quand ils me demandent, j'ai dit non. Aujourd'hui, la chose a changé, ce n'est pas facile. Mais à l'époque, c'était facile. Tu rentrais, on te donnait l'argent. Mais c'était comme ça. Et on n'avait pas d'autre alternative. On n'avait pas ça a été... Mais il y a eu beaucoup de morts quand même. Parmi les anards, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de malheurs quand même. Moi, je ne vous cache pas les participations que j'ai eues dans le domaine des expropriations. J'ai fait ces pipis toujours dans le pantalon. Tellement j'avais peur d'être obligé de te défendre. Et c'est horrible, tu vois. C'est pour ça que je suis contre la violence. Je suis contre la violence, mais à l'époque, on n'avait pas d'autre alternative. On n'avait pas d'autre alternative qu'avoir des moyens. Et si on voulait faire un journal, si on voulait aider dans le domaine famille, si on voulait payer un avocat, si on voulait voyager, il n'y avait pas d'autre issue. Et bon, enfin, j'ai progressé dans cette mouvance. Bon, et voilà, enfin, je préfère que vous demandiez des choses. Ça, c'est la partie spectaculaire, si on veut. Mais ma vie, elle a été, par exemple, le petit espace culturel que j'ai où il y a, bon, vous avez vu la banderole de Tardi. Tardi, le grand dessinateur de bon, je l'ai fait avec mes mains, ces petits centres culturels. Et je suis très content. On n'a pas besoin de grandes choses pour des spectacles. Alors je sais qu'il y a, je suis très très demandé dans tous les domaines. Et je l'ai fait parce que si je n'aurais pas été maçon, si je n'aurais pas eu ce que j'avais dans mes mains, je n'aurais pas pu avoir ça. Parce que bon, s'il faut le payer, tu ne peux pas le payer. L'argent qui coûte de faire la moindre chose, tu ne peux pas la payer. Donc j'ai travaillé toute ma vie. Et quand on parle d'autogestion, par exemple, j'ai beaucoup d'accrochages avec les jeunes, parce que je leur dis, je ne sais pas si ça sera la solution, parce que bon, à l'époque, comme je vous disais, à l'époque, chez moi, la minorité anarchiste, c'est elle qui expropiait les terrains, c'est elle qui expropiait les terres qui étaient chez les riches ou qui n'étaient pas cultivables, il a donné aux pauvres qui n'avaient pas de terres. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui on donnerait la terre à des gens, qu'est-ce qu'ils feraient? Peut-être qu'ils diraient, allez te faire foutre avec la terre. Peut-être, je ne sais pas. Et si c'est dans le domaine de l'autogestion, est-ce que, je ne sais pas, moi je pense qu'il faut, il faut un savoir-faire. Si on veut avoir un petit restaurant, il faut savoir faire la cuisine. Si on veut être menuisier, si on veut être la moindre chose, il faut savoir. Sans ça, on est des parias, c'est ce que je leur dis aux mômes là-bas dans le quartier. Il faut avoir un métier. Si vous n'avez pas de métier, vous êtes nul. Et je suis pour le travail. Je suis pour le travail parce que le savoir-faire, c'est une des choses, des inconvénients qu'on a en France. En France, il y a dans la construction, il manque 400 ou 500 000 hommes dans la construction. La France et l'Allemagne, ils construisent, à tous les deux, ils construisent moins d'appartements que l'Espagne. À tous les deux. Et il faut construire des appartements, il faut construire, mais il faut faire des menuisiers, il faut faire des plombiers, il faut faire tout ça. Alors comme en France, les gens ils sont très intelligents, n'ont pas besoin de travailler dans le bâtiment. Mais c'est là, pour moi, le savoir-faire, c'est quelque chose d'indispensable. J'étais toute ma vie maçon, carrelor, mosaïste, mais j'ai toujours gagné ma vie. Et ça ne m'a pas empêché de me révolter, de dire merde, d'avoir une éducation. Quand je vois, par exemple, parmi la clientèle, je vois des gens qui sont très, très riches, mais ils n'ont pas plus de connaissances que nous, et pas plus de culture que nous. Ils n'ont pas, la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent, mais ils ne sont pas plus que nous. Et c'est ça, moi, je donne beaucoup d'importance. Dans le domaine de la culture, je donne deux choses que je donne comme exemple toujours. Une fois, il y a Gaston Leval qui nous a fait une conférence sur Cuba. Et il a parlé très mal de Fidel Castro. Et je lui ai dit à l'époque que j'étais très castriste. Alors, bien sûr, quand on a 25 ans ou 30 ans, on croit qu'on est les rois du monde. Et quand il a parlé mal de Fidel, parce qu'il voyait, c'est lui qui était avec la Mépicré, c'est lui qui était en Russie au 20e congrès pour la santé. Bon. Donc, il savait de quoi il parlait, cet homme-là. Alors, je lui ai dit, mais Gaston, combien de dollars ils t'ont donné les Américains pour parler mal de Fidel? Alors, les gens, bon, enfin, j'ai honte quand je pense à ça. Mais il y a une autre chose, en 68, il y avait, alors, à Clichy, on était un groupe très, très important. Ils sont venus nous dire, des gens très proches du PC, mais comme on était tous mélangés, en disant, à la Sorbonne, il y a Raymond Aron qui est fasciste, et il entend de faire, il y a quelqu'un qui passe en doctorat, il faut aller lui saboter là. Et alors que Raymond, il n'a jamais été fasciste, il n'était pas d'accord avec... Alors, et on est allé, c'est ce que j'ai dit, le manque d'éducation, le manque de culture, on est allé lui saboter le bonhomme. Enfin, c'est pour ça que je réclame l'éducation, les connaissances. Si on n'a pas ni éducation ni connaissances, on ne fera rien. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple... Là, la dernière fois que je suis passé à France Inter, l'autre jour, alors le type, il m'a demandé, un bon salopard quand même, ils sont intelligents, c'est quand même. Alors, il m'a posé deux questions, je l'ai échappé de justesse. Alors, là, dans le domaine de, par exemple, Corda, quand j'explique l'histoire de Corda, c'est par intermédiaire de Jean Cormier, qui est un journaliste au Parisien Libéré, c'est lui le grand reporter du rugby. Alors un jour, il m'a téléphoné, on était très grands amis, il m'a téléphoné pour aller déjeuner à Boulogne, enfin dans une péniche, où il y a quelqu'un qui habite. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, on y va. Et à l'avenue de la Reine, on a acheté quelque chose et on est arrivé là-bas au bateau, on a sonné à la cloche. On a descendu, puis il y a Muriel, une femme extraordinaire, comme les bourgeois qui savent recevoir très, très, très bien. Ah là là, bon, il y a longtemps que je voulais bon, te voir. Et on était là, puis d'un seul coup, il y a deux bonhommes qui sont venus avec deux jeunes filles. Et en descendant, on s'est salué, j'ai vu par l'accent, j'ai vu qu'il y en a un parmi eux, il était cubain, parce que il y a les Argentins, ils ont un accent, enfin chaque pays d'Amérique latine a un accent. Alors j'ai vu qu'il était cubain. Et alors on s'est éloigné tous les deux et on a commencé à parler. Alors lui, il me récitait des poèmes de Pablo Neruda et moi, je lui récitais des poèmes de García Lorca. Il était tout enchanté. Et on est arrivé à parler de... Il m'a demandé de quelle région tu es, alors j'ai dit de Pamplona. Il dit, ah bon, Hemingway. J'ai dit, oui, Hemingway. Et pour me faire l'intéressant, j'ai dit, oui, c'était un sale con. C'était un sale. D'abord, il était sale, il ne se lavait pas. Et en plus, il était... Non, non, mais c'était comme ça. Alors, j'ai dit, bon, mais moi, je... Alors, et moi, pour faire l'humilde, je lui ai dit l'humble, pour faire l'humble, je lui ai dit, alors que je savais par son accent qu'il était cubain, j'ai dit, et toi, mais sans savoir qui était, hein, j'ai dit, mais toi, tu es qui? Alors, tu es de quel pays? Il m'a dit, mais je suis cubain. Ah bon? Alors, et là, je lui ai dit, moi, j'étais très sympathisant de la révolution cubaine. Il m'a dit, et pas maintenant? J'ai dit, non. Pourquoi? Alors j'ai dit, parce que Fidel, il a tué les meilleurs commandants, et en plus, il a trahi la révolution cubaine. C'est inadmissible. Et je lui dis, puis en plus, j'ai un grand ami, Benigno, Dariel Alarcón, qui vit chez moi, enfin je l'ai hébergé pendant très très longtemps à Aubervilliers, et c'est lui qui était avec El Che quand il est mort en Bolivie. Qu'est-ce que j'ai pu lui dire? Il a commencé à baver. Et il ne pouvait plus parler. Il s'éloigne, il va là-bas dans le coin où il y avait les deux filles avec son copain. Et j'entends qu'ils disent ce maricon qui critique la révolution cubaine. C'est PD qui critique la révolution cubaine. Alors je m'avance vers lui, je lui dis écoute, biocon, biochocho. Je dis tu es un biochocho, stalinien. Moi, de maricon, je n'ai rien. Mais toi, tu es un vieux stalinien. Alors, comme ils ont l'habitude, tous ces Cubains, comme beaucoup de gens de l'Amérique latine à gauche, quand ils viennent en France, les portes ils s'ouvrent, on dirait qu'ils sont désireux. Alors, on est passé à table, puis là-bas, personne bougeait, personne, on était là. D'un seul coup, lui et son copain et les deux filles sont partis. Et Muriel, elle est venue et me dit, Lucio, viens suivant chez moi et nettoie-moi de toute cette merde qui m'amène lui. Et il dit, mais tu sais pas qui c'est? Non, il dit, c'est Corda, le photographe d'El Che. Et c'est là que j'ai connu le Cordal, photographe du Chez. Alors, bon, j'étais content, j'étais content. L'autre jour, à la radio, il y a le journaliste, il m'a posé, on a parlé de ça, mais il m'a posé la question sur Action Directe. Il dit, bon, comment ça s'explique toute ta générosité, ce que tu as fait, mais comment ça s'explique que tu es contre le terrorisme, mais je vois ici, à un moment donné, que tu as subventionné Action Directe. J'ai dit, écoute, ça, beaucoup de monde, ils ont dit n'importe quoi. Ils ont dit que j'avais subventionné le Parti Socialiste, que j'avais subventionné tout le monde. Non. J'ai dit, c'est là que j'ai eu le réflexe par chance. Je ne sais pas comment j'ai pu m'échapper. J'ai dit, tu sais, je ne suis pas le programme d'Action Directe, je ne suis pas d'accord, mais je les aime. Et si je peux les aider, je les aiderai. Comme je ne suis pas nationaliste, mais j'aime les Basques. Et je ne suis pas nationaliste, leur politique. Alors il était bouche bée. Il me dit, il y a Madame Mitterrand qui est passée dimanche à la télévision, qu'est-ce que tu penses de Madame Mitterrand? Je l'ai vue, Madame Mitterrand, mais elle doit aller à l'école, la première dame de France, parce qu'elle dit que des conneries sur Cuba. Alors, j'ai reçu plusieurs coups de fil en disant que c'est inadmissible que j'insulte la première dame de France, qu'elle l'a insultée, qu'elle aille à l'école, oui, parce qu'elle dit des conneries, et c'est facile d'aller à Cuba et qu'on lui mette une dizaine de voitures pour la protéger et tout ce qu'elle veut. Ça, c'est facile. Bon, je suis à vous, demandez ce que vous voulez. Je pense que... Je ne sais pas si on est capable d'être responsable, mais je ne vois pas d'autre alternative. Je ne vois pas d'autre alternative. Quand je vois, par exemple, cette histoire des coopératives qu'on a abandonnées, cette histoire de l'anarcho-syndicalisme, la responsabilité, l'autogestion, l'abolition du salariat, bon... La CGT, de ce qu'elle est tombée dans les mains des politiques, c'est fini, c'est fini. Je ne sais pas si nous, on est capable de vivre ces choses-là. Mais mobiliser les gens pour 10 centimes d'augmentation, ça ne mobilise pas grand-chose. C'est pas ça qui va. C'est pas ça, on se plaint qu'il n'y ait pas que les syndicats soient à l'abandon. Comment on peut être syndicaliste aujourd'hui pour réclamer des conneries? Non, mais je le pense avec tout bon, et là, et on a besoin, je vous le dis avec tout mon cœur, on a besoin de ces idées-là, la France, elle a besoin, la preuve. Quand je parle, par exemple, quand je dis, tant qu'il y avait des anards, on avait de l'espoir, qu'il soit, par exemple, depuis les martyrs de Chicago, la révolution soviétique, la Commune de Paris, la Révolution espagnole, on avait de l'espoir, la fondation de l'anarcho-syndicalisme, de la CGT, tout ça, on avait de l'espoir. Mais là, on n'a aucun espoir. On n'a aucun espoir. Et je me demande, vous êtes là, enfin, vous êtes nombreux, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative que lutter, c'est un bien pour tout le monde. C'est comme quand on lutte pour la liberté, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, elle est nécessaire, les luttes. Sont nécessaires, ces luttes-là. Sans ça, on va nulle part. Moi, je vois, quand je vous disais, par exemple, ça c'est dans le domaine pécuniaire, quand je vois, par exemple, la France, quand je suis venu en France, qu'elle avait 50 ans d'avance, et aujourd'hui, je vous disais au restaurant, la retraite que j'ai touchée ici, je serai, parce que j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Paris. Quand j'ai dit, par exemple, qu'avec la moitié de l'argent que j'ai touché ici, je vivrais mieux en Espagne. Mais j'aime ces pays. J'aime Paris. Je ne sais pas ce qu'il a, ces putains de Paris. C'est une espèce d'immense. Tout le monde critique Paris, mais tout le monde voudrait y aller, oui. Enfin, c'est quelque chose. Moi, j'adore. Et j'adore ces pays-là. Et c'est pour ça que je la critique. Alors, ces salopards anarchistes, il était question de faire 330 pages. Mais comme ils voulaient me donner le prix ni Dieu ni maître, ils disent qu'ils ont coupé la moitié parce que sans ça, ils n'avaient pas assez d'argent. Bon, ça, c'est la... Ça, c'est l'explication qu'ils me donnent. Alors, comme ils sont plus intelligents que moi, alors ils me racontent n'importe quoi. Alors, mais enfin, il faudra faire un autre bouquin. Parce que bon... Alors, en ce qui concerne... là, bon, pendant des années, là, ça m'est fait plaisir. Ça m'est fait plaisir. La récompense, par exemple, chez moi, dans la région où, parce que les Basques, ils se disent révolutionnaires, mais ils sont très, très catholiques tous. Tous, je rigole beaucoup avec eux parce que bon, j'ai hébergé beaucoup de monde, je pourrais vous raconter des anecdotes. Par exemple, l'année dernière, j'étais, il y a le centre Paco Rabanne, il a été fait avec des réfugiés basques. C'est moi qui l'ai fait avec les réfugiés basques. La police, elle était en permanence là, dans le centre Paco Rabanne, parce que Paco Rabanne, c'est un type de Saint-Sébastien. Et bon, C'est pas la liberté. Non, ah non, non, non, non, non. Et là, le premier voyage... Sœur, ouais. Eh? Sa non, non, non, non, non, non, non. Le premier voyage que j'ai fait en Espagne, légal, ça a été parce que, bon, il y avait les amis basques qui étaient tous réfugiés. Et on travaillait, puis on a téléphoné au ministre de l'Intérieur espagnol, Mario Nandia. Mario Nandia, c'est un type du procès de Burgos, celui qu'on voit, le grand qu'on voit avec le poigne. Bon. Alors il a téléphoné en disant, je suis ici avec un tel, est-ce qu'il pourrait rentrer en Espagne? Alors, et le Barrio Nuevo, qui est mal tourné aussi, socialiste, mais il a mal tourné. Alors il a dit, bon, je m'engage à lui protéger l'entrée en Espagne et la sortie. Alors je suis allé, j'ai pris le billet avec ma fille, Juliette, et on est allé à Barcelone. Mais dans l'avion, je lui ai dit à Juliette, bon, voilà toutes les adresses, et quand on arrive à Barcelone, si je me fais arrêter, tu téléphones à n'importe qui de là. Et elle, la fille, elle avait 10 ou 11 ans, tout intéressant, alors elle a mis tout de suite dans la chaussure, alors je lui ai donné un coup de poing, j'ai dit, imbécile, c'est là où ils vont regarder tout de suite. Alors, il dit, bon, alors qu'est-ce que j'ai fait, alors où? Alors j'ai dit, dans le culot, enfin, dans le derrière, dans le derrière, bon, la môme, on est allé là-bas, et c'est là que j'ai découvert la première réunion que j'ai participé là-bas, c'était chez moi. Alors c'était à la sacristie. À la sacristie, il y avait une table énorme. Il y avait bon, les caciques, comme d'habitude, les caciques des Basques, de tous. Et il y a des mômes qui leur ont demandé, mais comment vous pouvez parler de démocratie alors qu'à Saint-Esteban, il y a eu 3 morts dans les Pyrénées. Alors, ils les ont coupés, ils disent, non, de ça, on ne peut pas parler. La garde civile, elle était avec les tricornios, avec les fusils, enfin, là, on aurait dit, enfin, un film de Buñuel. C'était incroyable. Alors, c'est là le premier voyage que j'ai fait en Espagne, légal. Et bon, enfin, ça s'est bien passé. Ensuite, on m'a protégé parce que, bon, là, ces années, toutes ces années-là, il y a 2 ans, par exemple, on est allé chanter à la santé. On est allé chanter à la santé et tout de suite, c'était 13 heures. Alors, il y avait Dominique Grange, il y avait Oreste, il y avait tout, on était une vingtaine. Et d'un seul coup, on nous cercle la police avec les voitures et ils disent, bon, il faut aller par là. Et j'étais vexé parce que la commissaire qui commandait tous ces flics, elle parlait espagnol bien mieux que moi. Putain, alors j'étais vexé. Mais en passant devant la Ligue des droits de l'homme, j'ai dit, mais vous voyez, enfin, la plaque qui est là, c'est le président Mitterrand, et il y a mon nom, enfin, le nom de mon entreprise, parce que c'est moi. Elle ne croyait pas. J'ai dit, si, c'est moi qui ai restauré la Ligue des droits de l'homme. Alors, une autre fois, la nuit, on va chanter à la santé, et c'est pareil. Alors, le commissaire, ils disent, bon, qui est le responsable ici? Alors, on dit, tous. Alors... Non, non, il faut un responsable. Alors j'ai dit, bon, c'est moi. Alors il m'amène, et alors je suis entouré là-bas d'une quarantaine de flics. Et vous savez que vous n'avez pas le droit de chanter. Pourquoi on n'a pas le droit de chanter? On vient pour chanter ces pauvres gens qui sont là, si on peut. Alors il dit, oui, mais vous les excitez. Bon, ils s'excitent, mais ça leur plaît, puisqu'ils nous applaudissent. J'ai dit, puis en plus, vous savez, les chansons qu'on chante, c'est les chansons qu'on devrait leur apprendre à nos enfants dans tous les lycées, dans toutes les facultés. Ce sont les chansons de la Commune de Paris. C'est des poèmes. Alors les flics, ils étaient bien contents quand même. Le commissaire, ça l'a merdé. Enfin, des anecdotes comme ça. Une autre fois, là, ils m'ont arrêté. J'étais tout seul en train de coller. des affiches. Et voilà, deux voitures, il y a une femme qui est la commissaire. Et vous avez une autorisation pour coller? Non, madame. Vous avez les papiers? Non, madame. Alors, il me connaissait, j'ai dit, mais je suis le responsable du local, l'espace Louis Michel. Oui, oui, on vous connaît. Et il me dit, vous savez, ces gens-là que vous collez, ces des gens, ils ont tué plusieurs de nos collègues, ils me disent. Parce que c'était sur Nathalie et c'était sur le bon. Alors, je lui réponds, est-ce que vous croyez que je suis d'accord? Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord qu'elle entend de mourir, si ça se trouve cette semaine ou la semaine prochaine, elle va mourir. Alors j'ai dit, est-ce que vous croyez que je ne suis pas d'accord à tuer qui que ce soit, mais cette fille, elle est à l'hôpital, elle a été opérée, elle est attachée des pieds et mains. Et ça, alors, parce qu'on apprend quand même, on apprend. Et là, c'est l'école. C'est ce que j'ai dit, tous ces politicards qui racontent rien. Est-ce que je vous raconte? Je le raconte bien, plus ou moins bien, parce que j'ai l'habitude, vous voyez. C'est comme les politicards. Les politicards, ils racontent la même chose. Je vais vous raconter une fois, il y a le maire d'Aubervilliers, Jacques Ralit, il nous a invités à toutes les entreprises de là-bas d'Aubervilliers pour inaugurer une imprimerie, l'imprimerie Edgar. Alors, premier rendez-vous à la mairie. Alors, on arrive là-bas à la mairie, et d'un seul coup, il y a un responsable, il dit, le maire, il va vous en parler. Alors, ils sont présentés, le maire, Jacques Ralit, maire d'Aubervilliers, maire député d'Aubervilliers, maire député ministre des cultures d'Aubervilliers, membre du bureau politique et du Parti communiste, enfin bon, une liste comme ça de bon. Et il nous a fait un petit discours. Très bien, bon, je ne connaissais pas beaucoup. Et alors on dit, bon, alors maintenant on va à l'imprimerie Edgar. Je vous en parlerai d'une autre chose de réalité parce qu'il s'est comporté bien une fois. Alors on va à l'imprimerie et à l'imprimerie, pareil, il nous fait le même discours. Et là, moi j'avais été enthousiasmé là, quand je l'ai entendu la première, mais après, bon. Puis après ils disent, on va aller au centre administratif, on va aller casser la croûte. Alors on va au centre administratif et il commence le même sermon. Maire d'Aubervilliers, maire député d'Aubervilliers, maire député ministre d'Aubervilliers. Bon, enfin tout le. Alors j'ai dit à quelqu'un, allez on s'en va, c'est un casse-couille. Alors, et on est parti. Mais un jour, il y a, je le dis dans le bouquin, il y a un type qui est mort, il avait fait 43 ans de prison. C'est un type qui était avec le groupe Manouchian. Et quand il m'expliquait Victor, c'était pas incommodé, c'était un pacifiste. Oui. Mais quand tu étais d'accord avec lui. c'est, comme beaucoup, oui. C'est, c'est. Alors, résultat, et il m'expliquait parfois, il me disait, dans les histoires des Manoukians, il me disait, on était à quatre, parce qu'ils étaient des gosses, tous, il y avait des si. Lui, il avait 17 ans. Ils étaient propres encore, oui. Ils étaient naïfs. Il avait 17 ans, c'est Victor-là. Et il disait, on se mettait à quatre pour faire un cocktail Molotov et pour le lancer. C'est. Et un jour, j'étais pas bien, je suis allé chez le médecin très tôt. Et la secrétaire de chez nous téléphone, et le médecin, il me dit, votre secrétaire a téléphoné, il faut que vous alliez voir Victor. Alors, parce qu'il va mourir ce soir. Bon. Alors, je vais le voir là-bas à Fontenay-sur-Bois. Il vivait dans une communauté qui s'appelle l'Amsonia. Je ne sais pas si vous avez des bouquins d'eux. C'est une communauté très, très importante. Ils ont une imprimerie, ils ont beaucoup de choses. Ils font beaucoup. C'est eux qui ont fait le bouquin, tous les courriers qu'il a fait Marius Jacob, qui a envoyé Marius Jacob. C'est. Alors, donc, c'est des jeunes, très jeunes, ils étaient très jeunes, surtout à cette époque. Alors, je vais, au lieu de rester avec le médecin, je vais le voir, et il me dit, Lucio, parce qu'il parlait comme ça, il faut que tu ailles voir Ralit, et tu lui dis qu'il vient me voir. Bon, parce qu'il ne fallait pas lui contredire. Il avait fait 43 ans de prison, je vous dis, et il avait 17 ans quand il est rentré, puis il est sorti pareil, comme 17 ans. Donc, je vais à la mairie d'Aubervilliers, et les hôtesses, ils me disent, vous voulez quoi? Je vais voir le maire. Il dit, mais vous avez rendez-vous? Je dis, non, je n'ai pas rendez-vous, mais il faut que je le voie. C'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a un ami, Victor, qui va mourir ce soir. Alors il dit, mais vous ne pouvez pas le voir si vous n'avez pas rendez-vous. Et on commence à se disputer. Et d'un seul coup, il descend Jacques Ralite par les escaliers. Et c'est quoi? Alors j'ai dit, écoutez, vous connaissez Victor, notre secrétaire vous a téléphoné hier déjà, il faut que vous alliez le voir parce que ce soir, il va mourir. Alors, mais j'ai mes rendez-vous, j'ai la voiture. J'ai dit, non, mais je n'ai pas besoin de votre voiture. Il m'a dit, bon, résultat, il a tout abandonné et il est allé le voir. Alors, il lui a demandé un service, un grand service à Ralite. Mais déjà, j'ai un peu de la reconnaissance, je l'ai dit dans le bouquin, parce qu'il est allé, le voir. Et le soir, alors, à 5 heures, je vais voir 8 heures, j'ai dit, alors, tu vas mourir ce soir? Il dit, oui, oui. Alors, tu t'habilles bien, tu mets un costume, j'avais jamais de cravate, il dit, tu mets ton costume, si tu en as, et une cravate. Et tu viens avec une bouteille de champagne. Alors, effectivement, alors on s'est retrouvés à 6, avec 6 bouteilles de champagne. Et alors, on était là, puis d'un seul coup, il dit, maintenant, je ne veux pas mourir. Alors, bon. Il finissait pas de mourir. En ce non, alors, bon. Tu veux pas, tu veux pas. Alors je suis rentré à la maison, et là, quand est-ce que je suis rentré à la maison, on m'a téléphoné en disant qu'il était mort, il avait débranché tout. Alors l'enterrement, c'est extraordinaire, l'enterrement au Père Lachaise, c'est la chose la plus horrible qu'il peut avoir. Je crois que les hommes, on aurait pu inventer une autre chose que brûler les amis. Comment c'est, l'incinérisation? Bon, alors, on est allés tous. Alors il avait dit à tout le monde, c'était des jeunes, à la quarantaine ou cinquantaine de mômes, qu'il fallait, le jour de son enterrement, il fallait beaucoup de chansons et du champagne surtout. Alors on est allé là-bas, bon, et tous ils sont partis, je suis resté, c'est-à-dire on voit comment ça se passe. Et les gens ils sont partis, et moi je suis rentré, le type qui s'en occupe, il dit dans une heure et demie ou deux heures, vous venez, je vous donnerai les cendres. Ils sont partis et moi je suis resté à me reposer là-haut. Et j'ai dit, c'est putain, enfin on aurait pu inventer quelque chose, j'ai dit, je sais pas, je crois que c'est les curés, les cantiques des curés, c'est mieux que ça quand même, parce que bon, malgré tout. Alors, bon, j'étais là, et d'un seul coup, au bout d'une heure, une heure et demie, j'entends les chansons, Las Barricadas, Bella Ciao, tous les, il venait la quarantaine ou cinquante des mômes, avec toutes ces chansons et du champagne. Alors, l'employé là-bas, il était étonné d'entendre toutes ces chansons révolutionnaires. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, je ne pense rien, mais c'est comme ça. C'était un indien. Alors, il nous remet les cendres. Il dit, qui c'est le chef? Alors, j'ai dit, lui, Olivier. Alors, il lui donne le coffre et on va là-bas vers l'endroit où il y a de la verdure pour répandre les cendres. Et alors, il y a le coffre et en bas, il y a une espèce de petite trempe pour ouvrir. Alors, il tirait, il ne pouvait pas l'ouvrir. Olivier, il ne pouvait pas. C'est lui, un des gars de l'Ansoniac. Alors, et d'un seul coup, il soulève comme ça. Tous les cendres lui tombent sous la gueule. Enfin, c'était. Une autre fois, tu me parlais de le village là, que tu habitais ton père. Montargis. Alors, on avait un copain, il était astronome. Et je parle aussi dans le bouquin. Alors, ses copains. Il apprenait à piloter, mais il apprenait à piloter avec un objectif, vraiment. Et il s'est tué, lui et le moniteur, ils se sont tués à Montargis. On est allé le chercher. Le père de ses copains, Arnaud Chastel, son père, c'était le grand spécialiste de la Renaissance. Et les articles qu'il faisait, professeur au Collège de France, les articles qu'il faisait dans le monde, c'était côté énorme. Mais il avait réussi à faire de ses tes fils d'Arnaud, une éminence, il travaillait dans une particule du soleil, je ne sais pas, bon. Mais on était très, très amis. Alors, il est mort et on est allé le chercher à Montargis et on est venu à la porte d'Italie pour l'enterrer. Bon, on a mis le coffre dans le trou et chacun a jeté des fleurs. Tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi. Aussi, quand j'écris des vers, c'est que ça m'amuse. C'est que ça m'amuse, et je vous chie au nez. La répression se libère. Et on est parti. Et quand on était en train de pleurer tous à l'extérieur du cimetière, il y a Catherine Loguet, c'est une fille qui travaille dans cette histoire de mort. Enfin bon. Alors, il vient en gueulant en disant « Lucio, il y a le curé qui entend de lui dire la messe à Arnaud, alors qu'on avait convenu qu'il n'y aurait pas de messe et qu'il n'y aurait pas de curé ni tout ça. » Alors, on fonce tous là-bas et on voit la famille d'un côté d'Outrou, le père, la mère, les deux frères, les deux belles-sœurs, et le curé de l'autre côté habillé en curé, entendez. Alors on commence à crier, alors le curé il prend la petite valise, il met ses affaires, il courait entre les croix comme une lièvre partout. Et la mère, elle était en face, alors j'étais en train de lui dire, vous n'avez pas honte, votre fils il n'était pas croyant. Et alors bon, pas diplomate, on n'était pas diplomate, ni l'un ni l'autre. Bon. Alors elle se jette sur moi, elle m'entraîne dans le trou, dans la... Alors elle était accrochée à mon cou, j'ai pissé le sang de partout. Et le père, c'était les deux morts que je m'en souviens de toute ma vie. Hein, Arnaud, je le dis dans le bouquin aussi. Si. Le bon Dieu, comme ils disent les Arabes, il est avec moi, tu vois. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Parce que bon, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance, c'est vraiment incroyable. Et là, je vous dis, bon, en Espagne, ils sont en train de faire ces films. Je ne sais pas ce que ça va faire. Mais là, je te dis, c'est quand même quelque chose d'impensable qu'il soit le ministère de la culture espagnole et le gouvernement basque qui subventionne. Et maintenant, c'est la télévision espagnole qui a acheté tous les droits. C'est super. C'est super, c'est super. Bon, et tout ça pour dire... Bon, aujourd'hui, je suis là. Il y a, par exemple, 20 ans, j'avais tous les polices de France. Mer, terre et air, derrière, tu vois. Bon, je n'ai jamais trahi personne. J'ai continué à penser, mon action, c'était la même. Les banques, j'ai abandonné la violence, parce que la violence, c'était pas sûr, tu vois. J'ai allé avec une mitraillette et expropier, c'est pas... Et j'ai opté pour d'autres choses. Mais je le revendique, si j'aurais fait du mal, je ne le revendiquerais pas. Moi, si j'avais à recommencer, je recommencerais pareil. Il n'y a pas plus voleur que les banques. Et ça, c'est... Je le dis dans les lycées, dans les facultés, partout, à la télé, partout, je le dis, hein. Il n'y a pas plus voleur que les banques. Cette année, ils ont fait 30% de bénéfices, les banques. Est-ce que quelqu'un proteste? Personne ne dit rien. Alors que les gens, on passe comme on veut. Si c'est les grands superficies, les grands marchés, les grands boutiques et tout ça, c'est pareil. Ils font des bénéfices, tout ce qu'ils veulent. Total, il a fait je ne sais pas combien de bénéfices, c'est pareil. Tous. Tu vois, Anne, tu sais, il y a mille choses qu'on ne peut pas expliquer. Par exemple, elle est très engagée dans le domaine, elle est médecin du monde. Elle est la responsable de l'action humanitaire dans le continent américain. Et sincèrement, je pense que quand tu fais des choses qui sont généreuses, qui sont bonnes, je crois que tu obtiens des satisfactions qui sont inexplicables. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. C'est ce qu'on disait dans le café, par exemple, dans le 20e, où j'habite. Les gens, il y a de l'argent partout. Les cafés, les restaurants, ils sont dans les mains des gens de Kabylie. Mais la seule chose qui leur intéresse, c'est l'argent. Et une entreprise, un café, un restaurant, n'importe quoi, il y a l'argent, mais il y a le personnel, il y a les locaux, il y a la banque, il y a le savoir-faire, il y a mille choses, tu vois. Et oh, bon, alors, et je pense, tu vois, je pense, c'est, sincèrement, je le dis, elle est insupportable, ma femme, hein, parce que bon, elle est... Mais c'est quand même extraordinaire de faire quelque chose qui te plaise et qui sont en accord avec tes convictions. C'est pas la révolution Haïti, mais on a été récompensés aussi. Parce que c'est ce que je leur disais, le fondateur de Médecins Sans Frontières, c'était Kouchner, ensuite médecin du monde. Et il est venu, comme témoin de moralité, il est venu une fois pour nous. Et il a fait, parce que c'est des types qui savent parler, c'est pas comme nous, tu vois, c'est Kouchner, il a un langage extraordinaire. Et courageux, attention. Maintenant, il est, parce qu'il est tombé dans la politique. Mais à l'époque, c'était un type très, très courageux, au Liban et tout ça. L'histoire de Cambodge, l'histoire de Vietnam, l'histoire de tout ça, c'est quand même lui, tu vois. Il fallait risquer, il risquait sa vie quand même, Bernard Kouchner. Il est venu comme témoin de moralité pour nous, et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et là, bon, c'est des gens comme ça qui mobilisent par leur courage et par leur savoir-faire et par tout ça. Et elle est très contente de faire... Elle travaille maintenant, elle a pris la retraite, mais elle travaille plus qu'avant, qu'elle était... Si, ça lui plaise, tu vois. Quand ça te plaise, les choses. C'est la vie, elle est... On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir une vie de famille. Et on a le temps. Parce que bon, moi, j'ai, par exemple, nous, on a eu la fille, Juliette. Et Anne, elle s'occupait. Le matin, c'est elle qui l'amenait à l'école. On lui a consacré notre existence. Bon, parce que bon, faut pas non plus rester avec les mômes à les abrutir. Bon, moi, je pense que les enfants, ils sont fiers si leurs parents, ils font des choses qui sont bien. Quel professionnel. Bon, être avec les enfants tout le temps, bon, pourquoi pas, les aimer, c'est une chose, mais... Moi, Juliette, je ne crois pas. Elle a fait. Il y a un bouquin qui est sorti il y a des années. Ça s'appelle Paroles d'innocents. Et c'est, je ne sais pas si vous connaissez la fille qui avait fait ce bouquin, c'est Brigitte Hermelin. C'est elle qui était l'avocate de Philippe Maurice. C'est lui qui a été condamné à mort. C'est le dernier gracié par Mitterrand. Oui. Et là, bon. Alors elle a fait ces bouquins-là, et bon, Juliette, elle a souffert de ne pas nous voir, parce que suivant, on a été en prison, les uns ou les autres. Mais je sais qu'elle est fière quand même de ses parents, malgré ses parents. Moi, quand j'avais 22 ans ou 23 ans, je croyais que la révolution, on allait la faire tout de suite. Eh bien, la révolution, on la fera tout le monde ou on ne la fera pas. C'est faire, avoir de l'activité. Et les activités, si tu fais des activités parce que tu as du plaisir, c'est formidable. Si tu n'as pas du plaisir, ce n'est pas la peine. Tu vois, quand tu fais les choses, c'est comme le boulot. Le boulot, quand si tu as du plaisir, si ça te plaît, ce n'est pas du boulot, c'est du plaisir. Eh bien, là, dans le domaine d'activité, c'est pareil. Et bon, il y a des réunions, il y a des assemblées, il y a... Bon, mais il faut trouver du plaisir. Il faut trouver du plaisir. Si on n'en trouve pas du plaisir, ce n'est pas la peine. Mais tout est à faire partout, tout est à faire. Vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal.